veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah si t'en veux, t'en prends, hein. Ah, mais il en reste plein. Et celui-là, c'est du bon, hein, tu peux y aller, hein. Ah, je l'ai pris chez Muller, le boucher d'en face. Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Ah mais vas-y, tape dedans, hein. Tu peux en prendre, hein, ça va pas te tuer. Ah bah de toute façon, il faut le finir, hein. Moi je le laisse dans le frigo, dans deux jours il est pourri, je dois le jeter, hein. Alors, est-ce que tu veux du jambon? Ah, bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon? Bah alors, est-ce que tu veux du jambon?